Que Jésus-Christ nous écoute et nous regarde. Chapitre 86. Avec quel amour Jésus-Christ regarde les justes, du plaisir qu'il prend à nous faire du bien et à détruire nos péchés, et avec quelle horreur nous les devons regarder afin qu'il les regarde d'un œil de miséricorde. Vous avez vu, ma chère fille, avec quelle attention Dieu écoute les prières des justes. Il faut maintenant vous dire avec quelle bonté il les considère et accomplit lui, même parfaitement ce qu'il nous commande d'écouter et de voir. David dit, comme je l'ai déjà rapporté, que les yeux du Seigneur sont arrêtés sur les justes, que ses oreilles sont attentives à leurs cris, et qu'il les délivre de toutes leurs peines, mais qu'il tourne sa colère contre les méchants, pour exterminer leur mémoire de dessus la terre, psaume 33, 15. Ce qui montre qu'il ne regarde les justes que du même œil que le pasteur regarde ses brebis pour les empêcher de se perdre, et qu'il n'arrête ses yeux sur les méchants, que pour les punir comme ils le méritent. Notre âme et notre corps sont son ouvrage. Tout le bien que nous faisons procède de lui, mais le péché est notre ouvrage. Ainsi, si nous n'abusions point de ce que Dieu a mis de bon en nous, au lieu de nous regarder avec des yeux de colère, il ne nous regarderait qu'avec des yeux pleins d'amour, parce que la cause est naturellement portée à aimer l'effet qu'elle produit. Mais, encore que nous ayons défiguré la beauté qu'il nous avait donnée et détruit le bien qu'il nous avait fait, notre malice ne saurait empêcher que son extrême bonté, pour conserver ce qu'il avait mis de bon en nous, ne détruise le mal par lequel nous l'avons corrompu, de même que le soleil communique si libéralement sa lumière, qu'il n'y a que ceux qui refusent de la recevoir qui n'aient pas le bonheur d'en jouir, puisqu'il prend tant de plaisir à la leur donner que, malgré les obstacles qu'ils y apportent, pour peu qu'il reste quelque ouverture par où elle puisse entrer, il s'en trouve aussitôt éclairé. Que dirons-nous donc de cette ineffable bonté de Dieu et de cet ardent amour qui le presse de se donner à nous pour nous animer d'une vie céleste et nous rendre resplendissants d'une clarté toute divine? De quels moyens ne se sert-il point pour nous faire du bien? De quelle faveur ne récompense-t-il point de petits services? Que ne fait-il point pour nous convier de revenir à lui lorsque nous nous sommes éloignés de lui? Avec quelle tendresse ne nous reçoit-il pas lorsque nous revenons à lui? Quel soin ne prend-il point de nous remettre dans le bon chemin, quand nous sommes égarés, et de chercher ceux qui sont perdus? Que de péchés ne nous pardonne-t-il point, sans nous couvrir de confusion, et quel désir ne témoigne-t-il point avoir de notre salut et de faire connaître qu'il prend plus de plaisir à nous pardonner que nous n'en avons à recevoir le pardon? Ce qui lui a fait dire par un prophète, « Pourquoi travaillez-vous à vous donner la mort à vous-même? Apprenez que je ne veux pas celle du pécheur. » Mais qu'ils se convertissent, qu'ils reviennent à moi et qu'ils vivent, Ézéchiel 33. Comme notre mort est de nous séparer de Dieu, notre vie est de retourner à lui, et c'est à quoi il nous convie, parce qu'étant son ouvrage, ce n'est pas nous, mais nos péchés, qu'il regarde d'un œil de colère, ainsi il veut les détruire et les détruit en effet, pourvu que nous ne nous y opposions pas, mais nous nous y opposons lorsque nous les aimons, tant qu'encore qu'ils nous donnent la mort, nous leur conservons la vie en ne cessant point de les commettre. Cette infinie bonté de Dieu le porte de telle sorte à surmonter notre malice, que quelques maux que nous ayons faits, quelques fréquentes qu'aient été nos rechutes, pourvu que nous en fassions pénitence et lui en demandions pardon, il est toujours prêt de nous l'accorder, de guérir les maladies de nos âmes, de nous remettre dans la bonne voie, et de nous donner de l'horreur pour les choses dont l'amour cause notre perte. Ces effets merveilleux de sa bonté ont fait dire à David, autant que le levant est éloigné du couchant, autant Dieu a éloigné nos péchés de nous. Psaume 102, parce, comme je l'ai dit, que ce n'est pas contre nous, qui sommes ses créatures, qu'il est irrité, mais contre les péchés, et ce qu'il regarde les hommes pour les perdre. C'est parce qu'il ne le laisse pas exercer sa colère contre les péchés qu'il veut détruire, mais veulent continuer à faire vivre ce qui leur donne la mort et lui est désagréable. Ainsi il est juste qu'ils demeurent dans un état si mortel, et que leur vie ne soit considérée que comme une mort, puisqu'ils refusent d'ouvrir la porte de leur cœur à celui qui, par son amour pour eux, voulait et pouvait les garantir de la mort et leur conserver la vie. Mais quelqu'un dira, que pouvons-nous faire afin d'empêcher que Dieu ne regarde nos péchés pour nous punir, et nous regarde pour nous sauver comme étant ses créatures? Saint Augustin répond à cette question par ces deux mots, regardez-les, c'est-à-dire, demeurez d'accord que vous avez commis ces péchés, faites-en pénitence, et Dieu ne les regardera pas, mais si vous les mettez derrière vous pour les oublier, Dieu les mettra devant lui pour les punir. David lui disait, ayez pitié de moi, Seigneur, selon l'étendue de votre miséricorde et détournez votre visage de mes péchés. Psaume 50, 1. Mais, en le priant de la sorte, quelle raison lui reléguait-il pour obtenir ce pardon? Étaient-ce les services qu'il lui avait rendus? Nullement. Car il savait bien que si un serviteur, après plusieurs années de service, trahit son maître par quelque action digne de mort, on ne considère plus ces services qu'il était obligé de rendre mais cette trahison qui est criminelle, et qu'ainsi des services passés ne sauraient effacer le crime d'une trahison présente. Ce saint roi ne pouvait non plus alléguer ses sacrifices, puisqu'il n'ignorait pas que ce ne sont pas les victimes que l'on offre à Dieu en holocauste qui lui sont agréables. Mais ce prince trouva dans l'humiliation et la contrition de son cœur, le remède qu'il ne pouvait attendre, ni de ses services passés, ni de ses mérites présents, et demanda pardon à Dieu en disant, « Pardonnez-moi, Seigneur, car je reconnais mes crimes, et mon péché est toujours présent devant moi. » Psaume 50, 4. Qu'admirable est le pouvoir de cette vue et de se repentir de nos péchés, puisque ne les regardant plus qu'avec douleur de les avoir commis, Dieu ne les regarde plus que pour les détruire et arrête ses yeux sur nous pour nous consoler et nous sauver. Chapitre 87. Des extrêmes avantages que nous recevons de ce que le Père éternel regarde Jésus-Christ son Fils. Si quelqu'un dit, d'où vient que ce regard de nous sur nous-mêmes joint à notre repentir et à nous larmes à tant de force que Dieu jette les yeux sur nous pour nous pardonner, je réponds qu'un tel effet ne procède pas de nous-mêmes, puisqu'il ne suffit pas qu'un voleur avoue son larcin pour en obtenir le pardon quoi qu'il le demande avec larmes mais que cela vient d'un autre regard si puissant et qui nous est si favorable qu'il est la cause et la source de tout notre bien. David l'exprime par ces paroles, « Mon Dieu qui est notre bouclier, favorisez-nous d'un de vos regards, et jetez les yeux sur le visage de votre Christ. » Psaume 83, 9. Et ce que ce saint roi prie Dieu de différentes fois dans ce peu de paroles de regarder Jésus-Christ, et pour nous faire connaître combien il nous importe qu'il le regarde, parce que c'est en le regardant qu'il nous comble de ses grâces. Mais ne vous imaginez pas, ma fille, que ces regards de Dieu, qui nous sont si favorables, viennent directement de lui à nous quand il nous reçoit en ses grâces, ou que lorsque nous y sommes, ils y viennent sans passer par Jésus-Christ. Vous vous tromperiez beaucoup, car ils s'adressent premièrement à ce divin Sauveur, et viennent après à nous par lui et en lui. Nul de nous ne saurait donc que par son moyen recevoir aucune marque de l'amour de Dieu. Ce n'est que par Jésus-Christ qu'il regarde tous ceux qui, quelque méchants qu'ils soient, pleurent leurs péchés, et les leur pardonne, et ainsi ce n'est que par lui qu'il les assiste et leur augmente ses grâces. Vous voyez par là qu'il suffit, pour être agréable à Dieu, d'être aimé de Jésus-Christ, et que sans lui on ne peut lui plaire. Reconnaissez donc, ma chère fille, le besoin continuel que vous avez de cet adorable Sauveur, et travaillez de tout votre pouvoir à le contenter, puisque tout le bien qui est en vous vient de lui, et qu'il ne saurait être augmenté et conservé que par lui. On en a vu une figure dès le commencement du monde, dans le sacrifice d'Abel le Juste, qui offrit à Dieu des premiers-nés de ses troupeaux. Et Dieu, dit l'Écriture, eut ce sacrifice si agréable qu'il regarda Abel et ses dons, Genèse 4, 4, c'est-à-dire que ce qu'Abel lui fut agréable fit que ses dons le lui furent aussi, et pour donner une marque visible de cet agrément invisible, il fit descendre le feu du ciel qui consuma ce sacrifice. C'est donc là une figure de ce souverain pasteur qui a dit en parlant de lui-même, « Je suis le bon pasteur, Jean, 10 et qui étant aussi le souverain prêtre, a, comme dit saint Paul, offert des dons et des sacrifices à Dieu, Hébreux, 5. Mais que lui offre-t-il qui soit digne de lui? Ce n'est pas des bêtes, et encore moins des hommes pécheurs, puisqu'il serait plus propre à augmenter la colère de Dieu qu'à le porter à faire miséricorde, et que, ce qu'il commandait dans l'ancienne loi que les animaux qu'on lui offrait fussent sans aucun défaut, fait assez connaître que ce qu'on lui offre pour obtenir le pardon des péchés doit être exempt de péché. Or, parce que tous les hommes sont pécheurs, ce grand sacrificateur n'a pu s'offrir à Dieu son Père pour racheter tous les péchés du monde, qu'en se rendant victime sans cesser d'être sacrificateur, et en s'offrant ainsi lui, même exempt de tout péché pour purifier ceux qui en sont souillés, juste pour justifier les pécheurs, et agréable à son Père et aimé de lui pour lui faire agréer et aimer ceux qui lui étaient désagréables et haïs de lui. Ce grand sacrifice a eu tant de force par soi-même et par le mérite de celui qui l'a offert, le sacrificateur et la victime n'étant en cela qu'une même chose, que de séparer de Dieu que nous étions et comme des brebis égarées nous nous avons été ramenés à lui, purifiés de nos tâches, sanctifiés et rendus dignes de lui être offerts sans qu'il y eût rien en nous capable d'y contribuer. Le sang de ce divin pasteur dont nos âmes sont arrosées, et les ornements qu'elles reçoivent de sa grâce qui les rend belles à ses yeux les justifie, les incorpore en lui, efface toutes les tâches de nos péchés, et font qu'il ne manque rien à ce sacrifice offert par ce souverain pasteur et grand sacrificateur tout ensemble, dont saint Pierre parle en ces termes, « Jésus-Christ a souffert une fois pour nos péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous offrit à Dieu étant mort en sa chair, mais étant ressuscité par l'Esprit, 1 Pierre 3, 18. Ainsi Dieu, après avoir regardé son Fils qui est notre divin Abel, il a regardé et agréé son sacrifice, et comme il fit descendre visiblement le feu du ciel pour consumer celui d'Abel, Il l'a fait descendre sous la figure de langue de feu sur ce sacrifice de Jésus-Christ, ce second Ébel, au jour de la Pentecôte, quand après être remonté dans le ciel, il s'est présenté à lui en notre faveur. Car ce Père éternel, en gardant son Fils bien-aimé dont le visage, comme celui d'Esther, est plein de beauté et de charme, ce regard enflammé d'amour, lança, par le feu du Saint-Esprit, de si vives étincelles sur ce grand sacrifice, qu'il consuma les dons offerts par ce pontife et pasteur tout ensemble, en embrasant les cœurs de tous les disciples qu'il avait alors et de tous ceux qu'il aura jusqu'à la fin du monde. Comme Dieu promit à Noé après le déluge que lorsque les pluies et les débordements des eaux lui donneraient encore sujet de craindre, il n'aurait qu'à regarder cet arc qu'il avait mis dans le ciel pour marque de son affection envers les hommes, et pour les assurer qu'il ne devait plus appréhender un second déluge, ainsi lorsque Dieu est irrité par nos péchés, et que son arc déjà tendu est prêt à tirer contre nous les flèches de sa colère, il n'a pas plutôt regardé Jésus, Christ attaché à la croix les bras étendus en forme d'arc, que, désarmé et vaincu par les prières qu'il lui fait en notre faveur, au lieu de nous punir il nous tend les bras et nous fait sentir des effets de sa miséricorde. Quand même nous serions si malheureux dans notre égarement que, ne daignant regarder la lumière qui est Jésus-Christ, nous voudrions toujours demeurer dans les ténèbres de nos péchés, cet admirable et divin pasteur nous chargerait sur ses épaules pour nous remettre dans le bon chemin en nous regardant et en nous portant par ses regards à le regarder, car il prend un tel soin de nous. Et notre conservation lui est si chère, qu'il a sans cesse les yeux arrêtés sur nous, et c'est ce qui lui a fait dire ces paroles si pleines d'amour qu'il adresse aux pécheurs qui se repentent. Je vous ferai entendre tout ce que vous devez faire, je vous enseignerai le chemin par lequel vous devez marcher, et j'aurai sans cesse l'œil sur vous pour vous conduire. Psaume 30, 1. 10. Car ne sont-ce pas là les effets de ce regard plein d'amour par lequel Dieu regarde Jésus-Christ qui est la sagesse éternelle qui nous conduit dans le bon chemin, qui est le véritable pasteur que nous regardons en tant qu'homme, qui en tant que Dieu nous regarde aussi pour nous garantir des périls où il nous voit près de tomber, qui nous délivre de ceux où nous tombons, qui a plus de soin de nous que nous n'en avons nous-mêmes, quoique nous ne pensions point à le servir, qui veille pour nous lorsque nous dormons, qui nous arrête auprès de lui lorsque nous voulons nous en éloigner, qui nous appelle lorsque nous le fuyons, qui nous embrasse lorsque nous revenons à lui, qui ne manque jamais à l'amitié qu'il nous a promise, qui, lorsque nous y manquons et même que nous l'offensons, nous convie à la renouveler, et qui enfin travaille avec une vigilance continuelle et pleine d'amour à tout ce qui nous peut être avantageux. Quelles assez grandes actions de grâce pouvons-nous rendre à ce véritable pasteur qui, pour empêcher que ses brebis ne fussent plus éloignées des yeux de Dieu, a bien voulu souffrir tant d'outrages et tant de tourments, afin que son Père, le voyant aussi affligé qu'innocent, regarda pour l'amour de lui les coupables avec un œil de miséricorde, et que nous eussions toujours en la bouche et gravé dans le cœur ces paroles, « Favorisez-nous, Seigneur, d'un de vos regards, et jetez les yeux sur le visage de votre Christ. » Psaume 83, 9. En reconnaissant, par expérience, que Dieu nous écoute et nous regarde plus que nous ne le regardons. Chapitre 88. De quelle manière il faut entendre que Jésus-Christ est notre justice, et qu'il ne faut pas croire que la justice des hommes justes ne soit point différente de la sienne. La zizanie que l'ennemi de notre salut a semée parmi le bon grain de la parole de Dieu dans l'esprit de ceux qu'il trompe leur en fait tirer des conséquences toutes contraires au véritable sang de ce mystère tout d'amour, dont Jésus, Christ se sert pour nous procurer les avantages que nous en recevons par lui et en lui. Et c'est de quoi je me trouve obligé, ma chère fille, de vous informer pour vous garantir de ce péril. Ne vous imaginez donc pas que ce que Jésus-Christ a dit que c'est lui qui est notre justice, ou ce que je dis que c'est en lui que nous sommes agréables à Dieu, ou autre semblable manière de parler, vous doit faire croire que ceux qui sont en grâce n'est pas une justice qui leur soit propre et qui les rend justes et agréables à Dieu, mais distincte et différente de celle par laquelle Jésus-Christ est juste. Ce serait une grande erreur, et elle vient faute de connaître la grandeur de l'amour que notre Seigneur porte à ceux qui sont en grâce. Car quelle apparence que son amour pour les justes étant si grand, il leur voulut dire, « Contentez-vous de ma justice, de mon bonheur et de mes richesses comme si vous les aviez, quoique vous demeuriez toujours injustes, malheureux et pauvres. » La tête voudrait-elle parler de la sorte aux autres membres du corps, et l'époux à son épouse qu'il aime? Comment donc, à plus forte raison, cet époux céleste, qui est l'exemple de la manière dont tous les autres doivent aimer et traiter leurs épouses, voudrait-il tenir ce langage? N'a-t-il pas dit, au contraire, par la bouche de saint Paul, « Marie, aimez vos femmes comme Jésus-Christ aime l'Église, et s'est livré lui-même à la mort pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée dans le baptême de l'eau par la parole de vie, Éphésiens 5, 25. Que si Jésus-Christ lave, purifie et sanctifie les âmes avec son propre sang dont tous les sacrements tirent leur vertu par la grâce qu'il leur confère, comment peuvent-elles demeurer injustes, souillés et impurs après avoir été sanctifiés par des moyens si efficaces? Dieu avait promis par le prophète Ézéchiel d'accorder ce bonheur aux hommes après la venue du Messie, en disant, « Je répandrai sur eux cette eau si pure qui effacera toutes leurs tâches. » Et Jésus-Christ déclara le jour de la scène que les 11 apôtres qui lui étaient demeurés fidèles étaient entièrement purifiés. Parce que, les fautes véniales qui procèdent de quelques affections mal réglées n'étant que comme de la poussière qui s'attache aux pieds, les sacrements reçus avec la disposition que l'on doit y apporter les lave comme on lave les pieds avec de l'eau ainsi que notre Seigneur fit alors, et lava en même temps leurs âmes pour les purifier de tous leurs péchés. Comme saint Jean le témoigne par ses paroles, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous nos péchés, 1 Jean 1. Et longtemps auparavant le prophète Michée avait prédit, « Il arrivera un déluge de sang dans lequel tous les péchés du monde seront noyés. » Michée 7, 19. Si ces passages de l'Écriture et plusieurs autres semblables font voir que Dieu nous pardonne et nous purifie de tous nos péchés, qui osera après cela dire qu'il n'y a point d'homme qui soit par ce sang purifié de tous ses péchés? Car serait, seule une chose conforme à l'Écriture et honorable à Jésus-Christ, de croire que Dieu aurait pour l'amour de lui remis seulement aux hommes la peine due au péché, mais que le péché serait demeuré en eux, puisque la peine due au péché étant un beaucoup moindre mal que la coulpe du péché et l'impureté dont elle souille l'âme, on ne pourrait dire que Jésus-Christ eût délivré son peuple de ses péchés, si ses mérites et sa grâce n'avaient point fait d'autre effet que de les délivrer de la peine sans les délivrer de la coulpe, et leur faire tellement abhorrer le péché qu'ils gardassent à l'avenir la loi de Dieu. Aussi ne saurait-on lire avec quelque soin l'Écriture sainte, sans voir que l'homme en recevant de Dieu le pardon de ses péchés, reçoit aussi de lui un cœur nouveau pour mener une vie toute nouvelle, comme David le lui demandait par ses paroles, « Mon Dieu, crée un cœur pur en moi, et renouvelez l'esprit de justice et de vertu au fond de mon âme. » Psaume 50, 11, et selon ce que Dieu a dit aussi par Ézéchiel, « Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau, je serai au milieu de vous. J'arracherai votre cœur de pierre pour mettre en sa place un cœur de chair, mon esprit sera au milieu de vous. Je vous ferai marcher dans la voie de mes commandements, et vous les ferez garder et observer. » Ézéchiel 11. Il avait dit auparavant qu'il les purifierait de toute leur souillure, et il dit ensuite la même chose. Ce qui montre clairement que pardonner les péchés n'est pas seulement remettre la peine qu'ils méritent, mais c'est aussi donner une pureté de cœur, une grâce et un esprit capable de faire observer les commandements de Dieu. Jésus-Christ a dit de même au rapport de Saint Jean dans l'Apocalypse, « Je suis à la porte, j'y frappe, et si on me l'ouvre, j'entrerai et mangerai avec eux et eux avec moi. » Apocalypse 3. Il a dit aussi par la bouche de Saint Paul, « Séparez-vous des méchants, ne touchez à rien de souillé, et je vous recevrai. Je serai votre père et vous serez mes fils et mes filles. » 2 Corinthiens 6, 17. Isaïe conformément à cela convie de la part de Dieu ceux qui ont faim d'aller manger, et ceux qui ont soif d'aller boire. Isaïe 55. Il paraît par ces passages et par plusieurs autres que les avantages que nous recevons par la justification vont à beaucoup plus qu'à nous délivrer de la peine du péché, puisque Dieu nous donne la grâce, la pureté de cœur, les vertus et l'esprit qui nous sont nécessaires pour pouvoir accomplir sa loi, et en qualité de ses enfants et par nos bonnes œuvres le possédera jamais lui-même. Or, parce que c'est Jésus-Christ qui, outre ce qu'il nous obtient le pardon de la peine, nous procure tous ses avantages, on le nomme avec très grande raison le Sauveur des hommes, à cause que c'est par lui que nos péchés nous sont pardonnés, et il mérite encore plus ce nom, parce qu'il nous délivre de la culpe, puisqu'il nous fait par ce moyen avoir de l'horreur du péché, jouir dès à présent de Dieu, et nous donne droit d'espérer de le posséder à jamais dans le ciel, ce qui est nous délivrer d'un beaucoup plus grand mal et nous procurer un beaucoup plus grand bien que de nous exempter seulement de la peine. Chapitre 89. Que le péché ne demeure point dans les justes, parce que la culpe est effacée en eux, et qu'ainsi étant purifiés ils sont agréables à Dieu. L'aveuglement de quelques-uns pourrait être aussi grand que de s'imaginer que la grâce de Jésus-Christ suffit dans ceux en qui ils disent que le péché demeure pour leur faire non seulement remettre la peine, mais pour faire qu'étant incorporé en lui, il soit pur et aimé de son Père, quoique le péché demeure encore en eux. Ces personnes peuvent même se persuader que c'est fort honorer Jésus Christ que d'avoir une si haute opinion de l'amour que son Père lui porte, que de croire que cet amour surmonte l'horreur que lui donne le péché qui demeure encore dans ces personnes. Mais un tel honneur serait entièrement contraire au véritable honneur qui est dû à Dieu et à la vérité de ses saintes Écritures. Car un juge mériterait-il d'être loué de ne vouloir pas condamner un coupable, parce qu'il serait aimé de son fils, et ne ferait-il pas voir au contraire que comme il paraît que son fils n'est guère vertueux, puisqu'il aime les méchants, il n'est lui-même guère juste, puisqu'il absout ceux qu'il doit condamner sans faire aucune acception de personne. On ne peut lorsqu'on est en péché mortel, être agréable à Jésus-Christ, puisqu'étant notre chef et nous ses membres vivants, sa grâce, qu'il influe en nous, doit, pour nous faire vivre conformément à lui, nous éloigner du péché, car comme dans la nature un animal qui n'aurait que la tête d'un homme, et dont tout le reste du corps serait d'une bête, passerait pour un monstre horrible, ce n'en serait pas un moindre dans la race de voir que la tête d'un Dieu est la justice et la pureté même, eut pour membre des hommes injustes, corrompus et souillés de toutes sortes de vices. Jésus, Christ nous a appris par ce qu'il a dit de la quantité de raisins que porte le sarment de la vigne, lorsqu'il n'est point séparé de sa tige, qu'il en est de même de ceux qui sont incorporés en lui par sa grâce. Et c'est ainsi que s'accomplit ce qu'a dit saint Paul, ceux que Dieu a connus dans sa préscience, il les a aussi prédestinés pour être conformes à l'image de son Fils, Romains 8, 29. Or, quelle ressemblance peut-il y avoir entre ce divin chef, qui a toujours observé les commandements de son Père, et des membres qui, quelque justifiés qu'ils soient et quelque pardon qu'ils aient obtenu, contreviennent sans cesse au premier et au neuvième de ses commandements? Quelle conformité peut-il y avoir entre la bonté et la malice, entre Jésus-Christ et ceux qui n'obéissent point à son Père? N'a-t-il pas dit, tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas pour cela dans le royaume du ciel, mais ceux-là seulement y entreront qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel, Matthieu 7, 21. Il n'y a donc rien de plus éloigné de la vérité, que de croire que la grâce de Jésus-Christ s'étend jusqu'à lui rendre agréable ceux qui ignorent ses commandements, puisqu'il a dit de sa propre bouche, « Si vous gardez mes commandements, demeurez dans mon amour comme j'ai aussi gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour, Jean 15, 10. Qui osera donc s'imaginer qu'en violant les commandements de Dieu, il ne laissera pas de nous aimer à cause de Jésus-Christ, puisque Jésus, Christ déclare que son Père l'aime à cause qu'il garde ses commandements? L'esclave peut-il prétendre d'être aimé de Dieu, en prenant une autre voie que celle que son propre fils a tenue, qui est de garder ses commandements? Non, certes. Et afin que personne ne s'y trompe, lorsque notre Sauveur, après avoir dit, « Soyez en mon amour », Jean 20, n'avait-il pas dit auparavant, « Soyez en moi » Mais afin que vous sachiez, ma fille, ce que c'est que d'être en lui et en son amour, n'a-t-il pas dit aussi, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez et il vous sera accordé, Jean 15, 7. Ainsi celui qui contrevient aux paroles de Jésus-Christ, ne doit pas se persuader d'être en son amour et incorporé en lui comme un membre vivant, puisque cet oracle de l'Écriture sainte est immuable, Dieu a en horreur le méchant et la méchanceté, Sagesse 4. Et Jésus-Christ, pour montrer que ceux qui sont à lui sont aimés et non pas aidés de son Père, a dit, je ne vous dis point que je prierai mon Père pour vous, car mon Père vous aime lui-même, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de lui, Jean 16, 26. Comme s'il disait, je vous avais dit que je prierais mon Père de vous donner son esprit consolateur, mais ne vous imaginez pas que je le prie pour vous en la manière que l'on prie pour ses amis, qui est que celui que l'on prie ne les oblige qu'en considération de celui qui le prie pour eux, et ne les aime pas plus qu'auparavant, encore qu'il leur accorde ce qu'ils désirent. Cela ne se passe pas ici de la sorte, Car ce que vous m'avez aimé et cru en moi fait que mon Père vous aime, et qu'ainsi vous pouvez recourir à lui en mon nom dans vos besoins avec confiance en l'amour qu'il vous porte, en la grâce qu'il vous a donnée et à ce qu'il vous a justifié en mon nom. C'est pourquoi ce que je lui demande maintenant pour vous, je ne le lui demande pas seulement comme pour des personnes que j'aime, mais comme pour des personnes sur qui il prend plaisir de répandre ses faveurs, non seulement parce que je l'en prie, mais parce que c'est pour vous que je le prie. Voilà de quelle sorte Jésus-Christ incorpore en lui comme ses membres vivants ceux dont il a obtenu la grâce qui les a rendus agréables à son Père, et qui, étant dans cet heureux état, agissent d'une manière qui leur fait mériter la vie éternelle pour récompense de leurs bonnes œuvres, et comme un héritage auquel ils ont droit de prétendre en qualité d'enfants de Dieu. Que s'il vous semble qu'il y a une trop grande disproportion entre la bassesse de la nature humaine et la grandeur de ce royaume éternel, considérez qu'il ne faut pas en cela regarder l'homme selon ce qu'il est en soi-même, mais comme ayant été honoré par Jésus-Christ du don de cette grâce céleste qu'il a répandue dans son âme, et qu'il a rendue, comme dit saint Pierre, participant de la nature divine, et par ce moyen un membre vivant de Jésus-Christ, incorporé en lui et agissant par l'influence de son esprit qui lui donne part à ses mérites. Toutes ces choses sont si grandes et si élevées qu'elles égalent celles dont nous espérons de jouir dans une autre vie, et suffisent pour rendre ceux qui sont en cet état capables d'accomplir la loi de Dieu. C'est ce que saint Paul exhorte les Colossiens et les Thessaloniciens de faire, lorsqu'il leur recommande de mener une vie digne de Dieu, Colossiens 1, Thessaloniciens 1. Et ils n'auraient pas désiré d'eux une chose si élevée au-dessus de notre nature, s'ils n'eussent su qu'ils le pouvaient faire par le moyen des grâces dont je viens de parler, et que c'était plutôt une œuvre de Dieu que non pas d'eux, mais il paraît bien que c'était ainsi qu'ils l'entendaient, puisqu'il ajoute aussitôt après, qu'il remercie Dieu de la lumière qu'il leur avait donnée pour les rendre dignes d'agir selon la raison des saints. Que si vous voulez savoir quelle est cette raison, demandez-la à Jérémie et il vous dira, « Ma raison est le Seigneur, et ainsi j'espérerai en lui. » Traîne, 3. Et David dit en parlant à Dieu, « Vous êtes, Seigneur, mon éternelle raison, psaume 141. Ceux qui accomplissent par leurs bonnes œuvres la loi de Dieu et lui demeurent fidèles lorsqu'ils les éprouvent, sont dignes d'être éclairés par la lumière de cette raison, selon qu'il est écrit, le Seigneur les a tentés, c'est-à-dire les a éprouvés, et les ayant trouvés dignes de lui, il leur donna la récompense qui est due aux travaux des saints. Chapitre 90. Que ce que les péchés sont entièrement effacés dans les justes par les mérites de Jésus-Christ, au lieu d'obscurcir sa gloire la fait éclater encore davantage. Il ne faut point craindre de trop estimer et de trop louer les richesses spirituelles, l'entier effacement des péchés, et les autres grâces dont Dieu favorise ceux qu'il justifie par les mérites de Jésus. Christ ni s'imaginer qu'elle diminue quelque chose de l'honneur qui est dû à ce Rédempteur du monde, car au contraire elle augmente puisqu'ils n'ont rien dont il ne lui soit entièrement redevable, et que plus ils sont justes, plus la pureté de leurs âmes relève la grandeur des mérites de Jésus-Christ qui, leur a procuré tant de bonheur, quoiqu'ils en ils fussent indignes. L'Écriture dit, « Où il n'y a point de bœuf la grange est vide, mais la force du bœuf paraît clairement où l'on recueille beaucoup de blé. » Proverbe 14, 4. Saint Paul dit aussi en parlant aux Thessaloniciens, à qui il avait prêché la foi, qu'ils étaient devant Jésus-Christ sa gloire et sa couronne, 1 Thessaloniciens, 2. À combien plus forte raison ceux que ce divin Sauveur regarde comme ses enfants et qu'il comble de richesses spirituelles, sont-ils son honneur et sa couronne, car ils ne ressemblent pas à ceux qui croient que ce qu'on loue dans les autres leur fait tort, sa charité qui, comme dit saint Paul, va au-delà de tout ce que nous saurions nous en imaginer. Lui fait considérer tout ce qui nous est avantageux comme lui étant propre. C'est ce qui l'a porté à souffrir la mort sur une croix, à faire que Dieu nous ait adoptés pour ses enfants, et qu'encore qu'il soit son Fils unique, il ne dédaigne pas de nous reconnaître pour ses frères, en nous donnant son Dieu pour notre Dieu et son Père pour notre Père, selon ce qu'il a dit. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu, Jean, 20, 17. Saint Jean dit aussi en parlant de lui, nous avons vu sa gloire comme du Fils unique du Père, Jean, 1, 14. Et ce même apôtre a écrit ailleurs, il est plein de grâce et de vérité. Ainsi l'honneur et les richesses spirituelles des enfants adoptifs doivent avoir du rapport à celle de leur Père qui est Dieu, et ce que la grâce et la vérité ont été faites par Jésus-Christ, comme dit cet apôtre, n'a pas été pour demeurer en lui seul, mais aussi pour en répandre une partie sur nous et nous en faire jouir avec cette abondance que saint Paul dit être un don qui ne se peut exprimer. 2. Corinthiens 9, 15. Et ce grand apôtre, pour nous faire connaître l'extrême valeur de cet héritage éternel dont nous espérons de jouir avec Jésus-Christ, prie Dieu de lui donner le don de sagesse et de révélation, parce que ce bonheur va au-delà de ce que notre raison est capable de comprendre. Éphésiens 1. Que soyez-vous, Seigneur, glorifié à jamais, et que l'on vous rende de continuelles actions de grâce de nous enrichir, dès maintenant, par de si grands dons, et de nous remplir de joie par l'espérance d'être héritier de Dieu conjointement avec vous, et de ce que votre extrême amour pour nous vous a porté à dire avec encore plus de vérité que Job, qu'il ne se pouvait résoudre à manger seul son pain, mais qu'il le partageait avec l'orphelin et avec le pauvre, Job, 41. Ainsi, comme cet amour que vous nous portez, étant un amour de père, ne saurait être stérile, il est fécond par le plaisir que vous prenez à nous en donner des marques, ce qui vous a fait dire à votre père, je leur ai fait connaître votre nom, afin qu'ils aient en eux ce même amour dont vous m'avez aimé, Jean, 17, 26. Et cet amour est accompagné de tant de sortes de grâces et si grandes, qu'elles ont fait dire à un prophète, je me réjouis au Seigneur, et mon âme est transportée de joie parce qu'il m'a revêtu de salut et de justice et paré comme les poulets d'une couronne et que l'épouse les de tant de divers ornements, Isaïe, 50, 11. Ces paroles et autres semblables qui se trouvent dans l'Écriture et qui témoignent la reconnaissance des bienfaits dont nous sommes redevables à Jésus-Christ, ne lui sont-elles pas plus honorables que de dire que ni le mérite de son sang, ni l'efficace de sa grâce, ni l'effusion de son Saint-Esprit, ni la vertu des sacrements, ni ce qu'il nous a incorporé en lui, n'ont pas le pouvoir d'effacer nos péchés et de nous en faire obtenir le pardon? Car ne serait-ce pas accuser Dieu d'avoir manqué à la promesse qu'il a faite d'envoyer son Fils unique pour détruire le péché, si, après que ce Rédempteur est venu au monde, le péché subsistait encore en ceux qu'il a incorporés en lui? Et comment auraient donc été accomplies ces paroles de Dieu dans Ézéchiel, Je répandrai sur vous une eau pure qui effacera toutes vos taches. Ézéchiel 36. S'il se trouvait qu'elles ne fussent pas véritablement effacées, que si l'on répondait que la justice et la pureté de Jésus-Christ nous sont imputées, ne serait-ce pas comme prétendre qu'en couvrant d'un linceul blanc un homme tout plein de fange, il ne lui en resterait plus aucune marque, et ne serait-ce pas aussi soutenir en même temps que Jésus-Christ n'est pas le Messie promis de Dieu, et que l'on doit en attendre un autre qui nous délivre non seulement de la condamnation que mérite le péché, mais aussi du péché. Puisqu'il est évident que celui qui délivre de l'un et de l'autre mérite beaucoup mieux de porter le nom de Sauveur, et voilà dans quel précipice l'orgueil fait tomber ceux qui l'aveuglent. Chapitre 91. De quelle sorte se doivent entendre quelques endroits de l'Écriture qui disent que Jésus-Christ est notre justice, afin d'éclaircir encore davantage le chapitre précédent. La manière dont l'Écriture s'indique que Jésus-Christ a été fait notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption, ne doit pas nous faire croire que les justes n'aient point une justice qui leur soit propre, car si nous ne sommes justes que parce que Jésus-Christ est juste, et non pas par une justice qui nous soit propre, on peut dire de même que nous ne sommes ni sages, ni justifiés, ni rachetés, et néanmoins Saint Jean dit en parlant aux justes, vous avez reçu l'onction du Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. 1 Jean 2, 20. Saint Paul dit aussi, vous avez été lavés et sanctifiés. 1 Corinthiens 6, 11. Et Saint Pierre dit, que ce n'a point été par des choses corruptibles, comme de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés de la vanité paternelle et héréditaire de votre première vie. 1 Pierre 1, 18. Ainsi comme Jésus-Christ n'a point été racheté, puisqu'il n'avait point péché, il faut nécessairement que ce soit nous qui ayons été rachetés, quoique l'Écriture dise que Jésus-Christ a été fait notre rédemption, et que cette sagesse, cette justice et cette sanctification, dont nous venons de parler, ne signifient autre chose, sinon que c'est par les mérites de Jésus-Christ qu'elles nous sont données. De même quand Saint Paul dit que Jésus-Christ est notre vie, il ne s'ensuit pas de là que les justes ne vivent pas, puisque notre Seigneur a dit lui-même, celui qui me mange vit par moi, Jean 6, 58. C'est comme si l'on disait que la beauté de Dieu surpasse celle des plus belles fleurs, et sa force celle des lions, ou autre chose semblable, car pourrait, on inférait de là que les créatures n'eussent nulle beauté et nulle force distincte de celle de Dieu. L'Écriture dit aussi, Dieu est la vie et la longueur de vos jours, Deutéronome 30. Ce qui est une manière de parler qui ne signifie autre chose, sinon que Dieu est la cause efficiente de notre vie, puis qu'il nous la donne, et de sa durée puisqu'il nous la conserve. On ne doit donc pas, parce que l'Écriture dit que nous sommes faits la justice de Dieu en Jésus-Christ, que le Père nous chérit en son Fils bien-aimé, et autres semblables expressions, nous en servir pour tomber dans l'erreur, parce que ces manières de parler ne vont qu'à nous faire comprendre ce grand mystère qui nous apprend que Jésus-Christ est la tête, et que les justes sont ses membres vivants, qui n'ont autre appui que lui, que c'est lui qui les conserve, et que ce n'est que de lui qu'ils peuvent attendre l'augmentation des grâces qu'ils ne tiennent que de lui. Que si l'on pouvait entendre par ces manières de parler de l'Écriture que les justes n'ont pas en eux-mêmes ces avantages, mais les ont seulement en Jésus-Christ, que pourrait-on répondre à ce que Saint Paul dit, Vous avez été justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui vous a été acquise par Jésus-Christ. Romains 3, 24. Car Jésus-Christ n'avait pas besoin d'être racheté, puisqu'il n'était point dans la captivité du péché, et ainsi l'effet de cette rédemption qu'il a méritée par sa mort ne regarde que ceux qui, parce qu'il la leur a acquise, ont été justifiés. Le même apôtre dit aussi, qui nous séparera de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, Romains 8, 38. Mais il ne s'ensuit pas de là que, parce qu'il dit que cet amour est en Jésus-Christ, il ne soit pas aussi en nous. Ce grand apôtre dit aussi ailleurs, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, Romains 5. Ce qui est la même manière de parler que lorsqu'il dit dans les Actes, c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être, Actes 17, 28. Car peut-on inférer de là que nous n'avons en nous-mêmes ni vie, ni mouvement, ni être, ni des opérations distinctes de celles de Dieu, mais l'Écriture se sert de ces manières de parler pour faire connaître que nous n'avons pas tous ces biens de nous-mêmes, ni ne les pouvons conserver par nous-mêmes, et ce grand apôtre dit en d'autres endroits que ces sorts d'avantages ne sont pas nôtres, et que nous ne pouvons nous les procurer, selon ce que notre Seigneur a dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, Jean 15, 16, et ailleurs, ce n'est pas vous qui parlez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parle en vous, Matthieu 10, 20. Et afin que l'on ne puisse entendre par ces passages que l'homme n'opère pas le bien et qu'il ne l'opère pas librement, l'Écriture dit ailleurs que c'est l'homme qui opère le bien, Ézéchiel 36, 26, sans dire que c'est Dieu qui le fait, et ailleurs, faites-vous un cœur nouveau, Ézéchiel 18, 21. Et saint Paul dit, que cela ne dépend point ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde, Romains 11, 16. Et ailleurs encore, pour moi je cours, et je ne cours pas au hasard, 1 Corinthiens 9. Cet apôtre parle de la même sorte en plusieurs autres endroits, pour faire voir que c'est de Dieu que nous tenons le bien que nous faisons, et que nous concourons avec lui dans nos bonnes œuvres, mais que toute la gloire lui en est due, parce que tout ce qui est bon vient de lui. Jésus-Christ lui-même en a parlé en cette même manière lorsqu'il a dit, « Ma doctrine n'est pas ma doctrine, mais c'est la doctrine de celui qui m'a envoyé, Jean 7, 16, et il aurait pu dire de même, « Mes œuvres ne sont pas mes œuvres, ni ma justice n'est pas ma justice, mais ce sont les œuvres et la justice de celui qui m'a envoyé. » Il paraît clairement par là que ceux qui voudraient inférer de ces manières de parler que notre Seigneur n'aurait pas eu en lui-même et par lui-même cette sagesse, cette doctrine et tous ses autres avantages se tromperaient extrêmement. Ces mots, « ma doctrine n'est pas ma doctrine » ne signifient donc autre chose, sinon je n'ai pas de moi-même cette doctrine, mais je la tiens de mon Père. Ainsi ce que l'on doit conclure de ces sortes d'expressions n'est pas que les justes n'ont point de justice qui leur soit propre, mais que c'est qu'ils tiennent de Dieu celle qu'ils ont, et ce sens est conforme à ce que le Concile de Trente a décidé dans sa sixième session touchant la justification, et à ce que notre Seigneur a dit lui-même, la parole que vous avez entendue n'est pas ma parole, mais c'est la parole de mon Père qui m'a envoyé, Jean 14, 24. tellement que l'on peut dire de même, qu'encore que nous ayons en nous la justice, cette justice ne vient pas de nous, mais nous est donnée de Dieu, ce qui fait qu'on la nomme justice de Dieu. Chapitre 92. Qu'il faut extrêmement fuir la vanité que les bonnes œuvres donnent d'ordinaire, et se servir pour cela d'un avis de Jésus-Christ. Il y a une grande différence entre connaître une grande vérité ou en faire l'usage que l'on doit, l'un sans l'autre n'est pas seulement inutile, mais dommageable, puis, comme dit saint Paul, que celui qui se flatte de savoir quelque chose me sait rien, s'il ne le sait en la manière qu'on doit le savoir, 1 Corinthiens 8, 2. Et ce qui faisait parler ainsi ce grand apôtre, c'est qu'il y avait quelques chrétiens qui, sachant que l'on pouvait manger des viandes sacrifiées aux idoles, abusaient de cette connaissance en mangeant en présence de ceux qui s'en scandalisaient. Ce que je vous dis, ma fille, afin que vous ne vous contentiez pas de savoir que ceux qui sont en grâce sont justes et agréables à Dieu par leur propre grâce et justice, et que leurs bonnes œuvres sont d'un tel prix qu'elles leur font mériter l'augmentation de la grâce, et que la gloire leur soit donnée, mais que vous devez prendre un grand soin de bien user de cette vérité, puisqu'il y en a qui en usent mal, les uns plus et les autres moins, dont les premiers se mettent en péril de tomber dans l'orgueil, et les autres dans la paresse et la lâcheté. J'en ai vu plusieurs qui, ayant été, par la grâce de Dieu, promptement délivrés des grands péchés où ils avaient demeuré longtemps, ne l'ont pas été en plusieurs années de ce péril où leurs bonnes œuvres les ont mis. Souvenez-vous de ce que dit David, que les méchants lui avaient tendu des pièges, non seulement auprès de son chemin, mais même dans son chemin, psaume 139, parce que les démons ne travaillent pas seulement à nous empêcher d'entrer dans la bonne voie, mais il n'y a rien qu'ils ne fassent, quand nous y sommes, pour traverser et corrompre nos bonnes œuvres. Le sage exprime cela par ses paroles. Je vis un autre mal sous le soleil qui est des richesses assemblées pour le malheur de celui qui les possède, Ecclésiaste 5, parce qu'il serait utile à ceux qui usent mal des avantages qu'ils ont, de ne les avoir pas. Il arrive à ces personnes que considérant leurs bonnes œuvres et les louanges qu'on leur en donne, la complaisance qu'ils en ont et la vanité qu'ils en tirent leur fait tourner la tête. Au lieu qu'ils ne devraient penser qu'à leur faute, qu'à reconnaître l'obligation qu'ils ont à Dieu, et à tâcher de s'avancer de plus en plus dans son service, la légèreté de leur cœur les rend faciles à se contenter du peu qu'ils font, quoique bien loin, dit saint Bernard, de devenir négligents à cause des grâces que nous recevons de Dieu. Il n'y a rien que nous ne devions faire pour acquérir celle qui nous manque. Il y en a d'autres dont l'orgueil va jusqu'à s'imaginer, bien qu'ils disent le contraire, que leur mérite oblige Dieu à leur accorder par justice ce qu'ils désirent, et ils croient qu'il leur fait tort s'il le leur refuse. Prenez bien garde, ma fille, de ne pas tomber dans cette faute dont il s'est plaint par Isaïe, en disant, « Ils me demandent que je leur fasse justice, et prétendent de s'approcher de moi, en disant, « Pourquoi le Seigneur n'a-t-il point d'égard à nos jeûnes et à notre humilité ?» Isaïe 58. Vous devez, pour empêcher qu'un poison si dangereux et qui a des suites si périlleuses, n'infecte votre âme, pesez bien cette excellente parole de l'Évangile, qui est celui de vous qui, ayant un serviteur occupé à labourer ou à paître les troupeaux, lui dit aussitôt qu'il est revenu des champs, « Venez vous mettre à table ?» Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Préparez-moi à souper, saignez, Vous me servez jusqu'à ce que j'ai bu et mangé, et après cela vous mangerez et vous boirez, et quand ce serviteur aura fait tout ce qu'il lui aura ordonné, lui en aura-t-il de l'obligation? Je ne le crois pas. Dites donc aussi, lorsque vous aurez accompli tout ce qui vous est commandé, nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que ce que nous étions obligés de faire. Luc 17, 7. Vous devez apprendre, par ces paroles, quel avantage c'est à un chrétien de se regarder comme un esclave de Dieu, puisque le Seigneur nous ordonne de nous considérer en cette qualité, et de ne le pas servir comme font d'ordinaire les esclaves, par un esprit de crainte et non pas d'amour, ce qui a fait dire à saint Paul, « Vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour vivre encore dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption des enfants de Dieu par lequel nous crions, mon Père, mon Père. » Romains 8, 15, à cause, dit saint Augustin, que l'amour et la crainte font la différence qui se rencontre entre l'ancienne et la nouvelle loi. Ainsi il faut renoncer à l'esprit de servitude, parce qu'il est indigne des enfants de Dieu, et à l'esprit de crainte, parce qu'encore qu'elle ne soit pas mauvaise, puisque c'est un don de Dieu de le craindre, il faut se considérer comme étant assujetti à Dieu par des raisons plus fortes et plus justes que nul esclave ne le peut être à son maître. Et ainsi nous ne devons rien faire qui n'ait pour objet la satisfaction et la gloire de Dieu. De même qu'un fidèle esclave agit à l'égard de celui à qui il est assujetti. Il faut aussi n'être ni lâche ni négligent à servir Dieu, quoi qu'il y ait longtemps qu'on le serve, mais avoir, comme dit l'Évangile, une faim et une soif continuelle de la justice, Luc 17, c'est à dire de s'acquitter de son devoir et compter pour peu tout ce que l'on a fait par le passé, en considérant les extrêmes obligations que l'on a à Dieu, et combien il mérite d'être servi. C'est ainsi que l'on exécute ce que dit saint Paul, oubliant tout ce qui est derrière moi, et m'avançant vers ce qui est devant moi, je cours incessamment vers le bout de la carrière, Philippiens 3, 14. Il faut aussi se représenter que quelque bien que nous puissions faire, Dieu n'en tire aucun avantage et n'est point obligé à nous en savoir gré, s'il ne regarde en cela que ce qui procède de nous, puisque nous ne saurions seulement lui payer ce que nous lui devons, suivant ce que nous venons de rapporter que dit l'Évangile, après que vous aurez fait tout ce qui vous aura été commandé, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, Luc 2, ce qui s'entend au regard de Dieu, car, quant à nous, nos bonnes œuvres nous sont très utiles, puisqu'elles nous font gagner la vie éternelle, comme je dirai dans le chapitre suivant. Vous voyez, ma fille, que le nom d'esclave, entendu en cette manière, est un nom d'humilité, d'amour et d'obéissance, et ce furent les dispositions dans lesquelles se trouva la Sainte Vierge, lorsqu'instruite par le Saint-Esprit. Elle répondit à l'ange qui lui annonça la nouvelle qu'elle serait la mère d'un Dieu, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole, Luc 1, 38, 39. » Car pouvait-elle mieux reconnaître sa bassesse et témoigner son zèle pour la gloire de Dieu et sa promptitude à se soumettre, comme une esclave, à tout ce qu'il lui plairait de lui commander? Saint Paul ne se glorifie-t-il pas aussi de porter le nom d'esclave de Jésus-Christ, et tous les saints ne sont-ils pas dans ces mêmes sentiments? Romains 1. Profitez donc, ma fille, de cette vérité, et vous en tirerez un grand avantage pour vous garantir des périls que les bonnes œuvres peuvent vous causer, non par elles-mêmes, mais par votre faute. Accoutumez-vous à dire souvent autant du cœur que de la bouche, « Je suis l'esclave de Dieu tant parce qu'il est Dieu que par les obligations infinies dont je lui suis redevable, et, quoi que je puisse faire, je ne saurais payer le moindre des pas qu'il a fait pour moi dans cette vie mortelle, le moindre des tourments qu'il a souffert, le moindre des péchés qu'il m'a pardonné, le moindre de ceux dont il m'a préservé, la moindre des bonnes inspirations qu'il m'a données, ni un seul moment du bonheur dont j'espère de jouir dans le ciel. Je suis indigne, comme disait Jacob, de la moindre des miséricordes que Dieu m'a faites, et notre Seigneur a dit qu'un serviteur, après avoir fait tout ce qu'il a pu, est obligé de reconnaître qu'il est un serviteur inutile. À combien plus forte raison me dois-je humilier d'avoir commis tant de fautes, soit par ignorance, ou par faiblesse, ou par malice? Je ne suis donc qu'une misérable esclave, puisque je ne sers pas Dieu comme je le devrais et le pourrais, et s'il m'avait traité comme je le mérite, il y a longtemps qu'il m'aurait précipité dans l'enfer pour punition des péchés que j'ai commis, et de tant d'autres qu'il aurait pu avec justice me laisser commettre. C'est là, ma fille, le sentiment que vous devez avoir de vous-même, c'est la disposition où vous devez être. Il n'y a rien que vous ne deviez faire pour vous occuper sans cesse à servir Dieu, sans penser qu'il vous en doive savoir quelque gré, ni de pouvoir, comme disait Job, répondre par toutes vos bonnes actions jointes ensemble, à la millième partie de ce que vous lui devez. Ainsi, lorsque vous entendrez relever le mérite de vos bonnes œuvres, gardez bien que votre cœur ne s'en élève mais dites, « Ce sont vos faveurs, mon Sauveur, et c'est à vous que l'on doit rendre grâce du prix qu'il vous plaît de donner à nos indignes services. » Par ce moyen, vous demeurerez toujours dans l'état où vous devez être, qui est de vous considérer comme une lâche et indigne esclave. Chapitre 93. Que l'humilité nous peut faire jouir avec assurance et action de grâce du mérite qu'il plaît à Dieu de donner aux bonnes œuvres des justes. Après que vous aurez mis votre âme en assurance par l'humble sentiment que notre Seigneur nous a appris que nous devons avoir de notre bassesse, vous pourrez jouir, sans crainte, des grands avantages dont il favorise ceux qui sont à lui, et le remercier de ce qu'étant nés esclaves l'infusion de sa grâce nous a rendus enfants adoptifs de Dieu, conséquences et héritiers avec lui. Comme dit saint Paul, mais parce qu'une qualité si éminente nous oblige de vivre, et d'agir d'une manière conforme à la dignité si sublime d'un tel Père, ce divin Fils, qui ne dédaigne pas de nous reconnaître pour ses frères, et qui nous a rendus tels par le mérite de sa mort, nous donne le Saint Esprit avec les vertus et les dons qui nous sont nécessaires pour servir son Père éternel, observer ses commandements, et ainsi lui être agréable, car ses services qui, quelque grand qu'ils puissent être, étaient si secs, considérés en eux-mêmes, n'ont pas plutôt été arrosés des eaux de la grâce qu'elle les rend une source d'eau vive qui rejaillit jusqu'à la vie éternelle, dont le pouvoir est tel qu'il y fait monter avec elle, nos bonnes œuvres quelque petites qu'elles soient. Considérez, ma fille, combien il vous importe de vous regarder en vous-même, et de vous regarder en Dieu et en sa grâce, car par vous-même vous vous trouverez tellement redevable à Dieu, que quoi que vous fassiez pour vous acquitter envers lui, bien loin de mériter la vie éternelle, vous ne sauriez pas même lui payer ce que vous lui devez. Mais en vous regardant Dieu et en sa grâce, les services que vous êtes obligés de lui rendre, lui sont si agréables qu'il les reçoit comme s'il méritait d'être récompensé par une vie éternelle, sans y être porté par aucune autre considération que celle de sa volonté, qui ne pouvant être que juste et étant ce qu'il est, ne saurait manquer d'être entièrement accompli. Louez-le donc, remerciez-le de tant de faveurs, et considérez que si ce Père des miséricordes n'avait rendu la vie de saint Paul féconde en mérite et en bonnes œuvres, ce grand apôtre n'aurait osé dire, lorsqu'il était proche de sa mort, qu'il recevrait de la main de ce juste juge la couronne de justice. Dieu l'a donc couronné avec justice, mais il l'avait auparavant fait mériter par sa grâce. Et ainsi l'un et l'autre tournent à la gloire de Dieu, soit que l'on considère la justice par laquelle il récompense le bien que l'on a fait, ou la miséricorde par laquelle il a fait faire le bien, et n'en demeurez pas d'accord, c'est vouloir lui dérober la gloire qui lui est due. Ainsi, pour être dans les sentiments que vous devez avoir, considérez-vous d'un côté, comme incapable de faire le moindre bien, capable de faire toutes sortes de maux, et digne de l'enfer, et d'un autre côté, au lieu de vous décourager par cette vue de votre misère, marchez hardiment dans le chemin où Dieu vous a mise, et espérez de sa miséricorde qu'il vous fera la grâce de vous avancer jusqu'à ce que vous recueilliez dans le ciel le fruit des bonnes œuvres que vous aurez faites ici-bas par son assistance. Marc M. Dan, archive.org. D'après les œuvres très complètes de Sainte Thérèse, tome 4, 1845, Abbé Migne, licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique.